Bienvenue sur Radio Gémozo, bienvenue dans Salut les 60, une émission consacrée aux idoles et à la musique des années 60. Pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose de retrouver Dalida et le petit Gonzalez, l'enfant terrible de l'année 62. Consuela disait, reviens donc ici petit Gonzalez, c'est maman qui te dit ça, sinon tu couronnes ton papa, lui qui n'insistera pas, si tu n'as pas fini tes leçons, ça fera du bruit à la maison, tes devoirs sont très mauvais tu sais, il te faut les recommencer, petit Gonzalez. Oui. Je t'en prie, reviens. Non, je ne veux pas. Petit Gonzalez. Oui. Pourquoi t'en vas-tu si loin? Parce que j'ai rendez-vous avec la belle Anna. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nous verrons à ton retour, oui. Surtout si tu reviens la nuit. Je vois déjà ton père et sa main, et là crois-moi, oui, je te plains. Écoutez-moi et ne dis pas non, voici ton livre et tes crayons. De moi tu n'auras donc jamais pitié, pourtant je ne veux plus crier. Petit Gonzalez, oui. Je t'en prie, reviens. Non, je ne veux pas. Petit Gonzalez, oui. Pourquoi t'en vas-tu si loin? What number is this, Jim? 7A. Okay, not me. Don't get excited, man. It's because I'm short, I know. Oh, I could hide neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring. But it rings. And I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydreaming lover and a homecoming queen? Me as a white knight on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without our loved one to spend. But how much, baby, do we really need? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to us? pouvez nous écrire à Radio Guémozo, 8 place de l'Hôtel de Ville, 88 200 Saint-Étienne-les-Remiremont, ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40. What'll do a party in the county jail? Prisoners that was there, they begin to wail. The bandits jump up and the joint begin to sway. You should have heard Dr. Jimbo say, everybody that's wrong. Everybody in old cell block. Put down the tube and take a holler. Shifty Henry said, I love for heaven's sake. Everybody around here trying to make a break. Shifty turned to Henry and he said, an next net. Everybody let it rock. Everybody in wholesale rock. They were dancing to the jingle high rock. Whoa! Said the number three. Beauty, beauty, jailbird, I ever did see. She would be delighted if you come with me. Come on, baby, jail, I've wrong with me. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in old cell block. Put down into the jail, I'm rock. Jalouse Rock, reprise du tube d'Elvis Presley. À l'instant, c'était Jerry Lee Lewis. Au sommaire de Salut les 60, adaptation contre version originale, nos trois matchs. Vous pourrez également découvrir six titres classés dans le hit parade de juin 1963. Et notre coin du spécialiste sera consacré aujourd'hui à Johnny Day, à sa période Vogue. Et puis le temps s'étant radouci, évitez de faire des courants d'air dans les pièces. Cela fait voler les feuilles, fait voler beaucoup de choses. En tout cas, excellent après-midi sur Radio Guémozo. Merci de nous écouter. Thank you.

Patricia Carly, nous on s'aime. Et pour la petite histoire, eh bien, sachez qu'ils l'ont eu leur nuit d'amour un peu plus tard, mais ils l'ont eu. En 1964, Johnny Hallyday enregistre un album rock intitulé Johnny revient. Interrogé à l'époque par Daniel Filipacchi au micro de Salut les copains, Johnny déclare « Oh Carole est une de mes chansons favorites de Chuck Berry. C'est pourquoi elle figure sur cet album. » Comme ça. Ah, ce soir si je suis là c'est pour te dire qu'il ne viendra pas. Ça ne vaut pas la peine de pleurer pour ça. Tu le remplaceras d'ici 8 jours, tu l'oublieras. Maintenant dans tes yeux toute la joie s'est envolée. Sèche tes larmes, oublie tout ça, avec moi viens danser. Il saura que tu t'es consolé dans mes bras. Ce jour-là peut-être enfin il reviendra vers toi. Oh, Carole, ne me regarde pas comme ça. Ce soir si je suis là c'est parce que tu es tout pour moi. Danse dans mes bras mais tu es loin de moi. Oui tu y penses à celui qui ne viendra pas. Mais je crois bien que c'est lui que j'aperçois là-bas. Il vient tout droit vers toi aussi tu lui souris déjà. Il est trop tard pour moi c'est bien fini. Mais déjà on dirait qu'il a changé la vie. Oh Carole, ne me regarde pas comme ça. Il y a trop de joie dans tes yeux, c'est bien fini pour moi. Ça. Il y a trop de joie dans tes yeux, c'est bien fini pour moi. Une balade extraite du troisième 45 tours des Pirates pour cette formation commanditée par le syndicat du lait. Certains galas étaient gratuites à condition d'être munis de capsules de lait. Confidence pour confidence, rassurez-vous sur Radio Guémozo pour les écouter. Pas besoin de capsules de lait. Mon nom sera peine, mon nom sera lourd. Dans mon âme même, on sent ton amour. C'est mon nom, oh yeah. Dans le vide immense, après ton départ, je n'ai plus confiance, tout me semble noir. Oh, Telly, oh oui, Telly. C'est mon nom, oh yeah. Je suis si triste. Mon cœur est plein de regrets. Je sais que je mérite le nom que tu me donnais. j'écris cette lettre afin que mon cœur, du fond de mon maître, mérite sa bonheur. Oh, oh, t'aime. Oh, oui, t'aime. C'est mon nom. Oh, yeah. Oh, oui, je sais. Je sais, j'espère. Que toi, que tout près de moi, ta vie, ton cœur, ta prière, reviennent pour toute ma joie. Mon nom sera riche, plus comme autrefois. Car mon cœur ne triche, seul tu comptes pour moi. Oh, oh, oui, donne-nous ce mon nom. Oh, yeah. Oh, oh, oh, oh, oui, donne-nous ce mon nom. Le 10 septembre 1967, Luis Buñuel reçoit à Venise le Lion d'Or pour son film Belle de jour, d'après le roman de Joseph Kessel. Dans le même temps, sur les ondes des radios périphériques, vous pouviez entendre le nouveau titre des Rolling Stones, We Love You. Thank you. avec Gérard. C'est rockement bon. Michel, comment vas-tu mentir sur Radio Game Ozo? La légende s'écoute en deux versions. Nous avons eu la version française avec Monsieur Eddie Mitchell. La version originale, c'est dans le répertoire d'Eddie Cochran qu'on la retrouve sous le titre Come Everybody. For somebody to call mine, and at last he's come along. rejoindre, bienvenue sur Radio Gamozo, bienvenue dans la musique des 60s. Voici le moment, comme chaque semaine, de découvrir quelques titres classés dans le hit-parade de l'époque. Aujourd'hui, nous évoquerons celui de juin 1963. Ils sont 43e, Ian & Dean, Surf City. Something going in Surf City, Eureka. You know they're either out surfing or they got a party growing. Surf City, Eureka. Well, it's time swinging honeys for every guy, and all you gotta do is just wink your eye. And we're going to Surf City, cause it's the new one. And we're going to Surf City, gonna have some fun. And we're going to Surf City, cause it's the new one. And we're going to Surf City, gonna have some fun now. Two girls for every boy. And if my woody breaks down, I'll be somewhere on the surf room. Surf City, here we go. I'll snap my board, get my back, and hitch a ride in my wetsuit. And when I get to Surf City, I'll be shooting the girl and checking out the parties for a surfer girl. And we're going to Surf City, and we're going to Surf City, and I have some fun. Yeah, we're going to Surf City. Le ministre de la guerre britannique, John Profumo, démissionne. Il a menti pour dissimuler son amie Christine Keeler, témoin à charge dans un procès. En ce mois de juin 63, bien trop court, le nouveau titre de Dick Rivers se classe à la 33e place du hit parade de l'époque. J'en ai peur pour sauver notre amour, notre amour qui se meurt. Il était né sous le ciel bleu, au hasard de l'été. Où est-il dans le temps heureux? Nous étions sincères. Manifestation au sud de Vietnam pour l'anniversaire de la naissance de Bouddha. Un bonze se sacrifie par le feu à Saïgon. En Arabie Saoudite, l'esclavage est supprimé. En France, Maurice Herzog devient secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Nous sommes en juin 1963 et dans le hit parade de l'époque, Dionne et Lebelmon classe Rebe Baby à la 30e place. Hear me talking, this girl don't love me, but I love her just the same. What I say, whoa, whoa, whoa, Ruby, Ruby, I will haunt you like a ghost, I'm gonna haunt you. Ruby, Ruby, Ruby, will you be mine? Sometime, each time I see you, baby, my heart cries. Does Ruby, I tell ya, I'm gonna steal you away from all those guys. I didn't want to, whoa, from the happy day I met you now. I made a bet that I was going to get you now. Ruby, Ruby, Ruby, will you be mine? Hear me talk, in time now. Mes copains, quand je l'ai. Sylvie Vartan incarne avec justesse et bonheur le temps des copains. Tout Jerry Lewis est à la fois Dr. Jerry et Mr. Love. T'en vas pas comme ça. Marcello Mastroianni et Claudia Cardinale se plient aux exigences de Fellini et de 8,5. Tu ne peux pas me quitter sans m'écouter. Jean Cocteau quitte Jean Marais pour les bras d'Orphée. Paco Rabanne habille les femmes de métal. Le pasteur Martin Luther King fait un rêve et le fait partager à l'Amérique. La nouvelle poire est féministe et futuriste. Il suffit d'un peu d'aile nette, aile nette, coiffure belle et nette. Belmondo, Bedos, Signoret nous font avaler Ragé au poivre et on en rigole encore. À l'apéritif, le tuc, c'est pas toc et le RER creuse son chemin. Demain, tu te maries. Patricia Carly implore, arrête, arrête. Elle a de l'argent. Et les pâtes le sucru font leur nez. Yeah. seconde, j'ai senti qu'avec lui je tenais ma chance. Depuis longtemps j'attendais ma chance. Elle est venue quand je croyais tout perdu. Je veux garder cet amour inattendu. Yeah. Il y avait par le monde un inconnu et ma folle. Liberton Chance, elle est 27e avec cette reprise du Ching des Cookies. À Hollywood, l'Oscar du meilleur acteur revient à Gregory Peck. Quant à Gene Vincent, pionnier du rock'n'roll, il s'octroie la 12e place du hit parade avec son Say Mama, dont les versions françaises de Sylvie Vartan et des Chaussettes Noires sont également classées dans le hit parade de juin 1963. Say Mama, can I go out tonight? Say Mama, they got a rockin' party going down the street. Say mama, did you hear that beat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, yeah. Say mama, don't you look that way. I call and know just what you're going to say. Well, mama, well, don't get mad. You're gonna say, hey, hey, go ask your dad. Don't you live that way. Cause I know just what you're going to say. Well, then mama, well, then don't get mad. You're gonna say, hey, hey, go ask your dad. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Say mama, can I go out tonight? Say mama, will it be alright? They got a rockin' party going down the street. Say mama, can't you get happy? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Yeah, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Première femme de l'espace s'appelle Valentina Tereshkova, elle est russe, elle a 26 ans. En ce mois de juin 1963, il a 20 ans, il s'appelle Johnny Hallyday. Et quand un air vous possède, son nouveau titre rentre à la 7e place du hit parade. Je ne peux oublier ce air qui m'enchaîne. Il n'a jamais de fin. Il vient marteler toujours ma peine. Je sais, je n'y peux rien. Oh, quand un air vous possède, vous ne pouvez l'arrêter. Ne

Salvatore Adamo est né le 1er novembre 1943 à Cosimo, en Italie. Le petit rossignol sicilien, comme on l'a surnommé, vit en Belgique avec ses 6 frères et sœurs. Lorsqu'on découvre en France son premier 45 tours en blue jean et blouson de cuir, on peut à l'époque lire au verso de la pochette un texte anonyme d'un auteur qui a vu juste. Compositeur, parolier, interprète, voici l'un des plus solides espoirs de la chanson française. En tout cas, bien vu, monsieur l'anonyme. En blue jean, si vous en cuir, tu vas rejoindre les copains. Qu'est-ce qu'ils vont dire quand tu les verras demain? En blue jean, c'est vous en cuir, tu te crois en liberté. On ne pourrait te contredire, ça blesserait ta dignité. La lune, t'as une affiche au pantalon, tu n'es pas mauvais garçon. Un petit rien te fait dire, va profite de la leçon, t'es pas fait pour jouer les dieux. Adios amor, laisse-moi partir. secret, le malheur d'une autre. Adieu, ça va, je m'en vais ce soir, car il vaut mieux ne plus se revoir. Ne cherche pas à me retenir. Adieu, ça va, laisse-moi partir. Je préfère abandonner tous les rêves que nous avions faits. Je sais bien que j'ai raison, malgré toute la peine que j'ai. Adieu, ça va, je m'en vais ce soir, car il vaut mieux ne plus se revoir. Adios amor, je vous fais un petit paquet avec un bon flow, le tout c'était en 1967. Adaptation contre version originale, de suite notre deuxième match. Petite sœur d'amour, petite sœur d'amour, pour toi, je suis simplement un copain à qui l'on tend la main. Petite sœur d'amour, pourras-tu m'aimer un jour? Ouais, l'amour a débuté, voici bien deux années. Nous étions deux gamins, tu étais mon seul bien, mais tu n'en savais rien. Petite sœur d'amour, petite sœur d'amour, pour toi je suis simplement un copain à qui l'on tend la main. Petite sœur d'amour, pourras-tu m'aimer un jour? Quand j'ai appris la vie, j'ai voulu t'épouser, mais tu m'as rironné, car tu avais changé. Petite sœur d'amour, petite sœur d'amour, pour toi je suis simplement un copain à qui l'on tend la main. Petite sœur d'amour, pourras-tu m'aimer un jour? Voilà, vous venez d'entendre la version française par les Chaussettes Noires, petite sœur d'amour. Little Sister, c'est la version originale, elle est interprétée par Elvis Presley. Deuxième match, deuxième choix pour vous sur Radio Gamozo. Don't you, little sister, don't you, little sister, don't you kiss me once or twice, then say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister does. Well, I dated your big sister and I took her to a show. I went for some candy. Along came Jim Denny, and they snuck right out the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Every time I see your sister, well, she's got somebody new. She's mean and she's evil like a little old boy evil. Guess I'll try my luck with you. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister does. Well, I used to pull your pigtails and pinch your turned up nose. But you've been growing, and baby, it's been showing from your head down to your toes. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister does. Little sister, don't you do what your big sister does. Salut les 60, bienvenue dans la musique des 60s, bienvenue sur Radio Game On. Baby Come Back. Depuis la fin des années 50, toutes les générations ont été séduites par les Platters. Extrait de la bande originale du film Rock Around the Clock, The Great Pretender, pour le plaisir de vos oreilles, c'est maintenant et c'est sur Radio Game Ozo. Pretending that I'm doing well. can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to grieve all alone. Conceal. Oh, yes, I'm the great pretender. Just laughing and gay like a clown. I seem to be, but I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown. Still around. Too real is this feeling of make-believe. Too real when I feel what my heart can't conceal. Yes, I'm the great pretender. Just laughing and gay like a clown. Mai 1966, pour son 20e anniversaire, le Festival de Cannes a couronné Claude Lelouch pour son film Un homme et une femme, musique de Francis Lay. Et pour les Parisiennes en cette année 66, et c'est bien connu, eh bien l'argent ne fait pas le bonheur. Nous dit ça, on s'est coulé au pleurs. L'argent ne fait pas le bonheur, mais avouez qu'il y contribue largement, hélas. Notre coin du spécialiste est consacré aujourd'hui à Johnny Hallyday, juste après les zombies, Time of Season. Nous évoquerons la carrière de l'idole jeune, sa période Vogue. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in this time to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for love. What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken any time? Any time to show? To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why. I really want to know. It's the time of the season for love. Your daddy, who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken? Has he taken any time? Any time to show? To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why. I really want to know. It's the time of the season for love. Rock and Twist, la musique des 60s sur Radio Gémozo. Notre rubrique, le coin du spécialiste de cet après-midi, est consacrée à Johnny Hallyday. Retracer sa carrière en 6 chansons, c'est mission impossible. Nous nous contenterons donc d'évoquer ses débuts. L'histoire de l'idole des jeunes commence comme une légende. Le jour de sa naissance, un scarabée est mort et il le porte autour de son cou. Ce scarabée est mort le 15 juin 1943 près de la villa Marie-Louise de la cité Malesherbes à Paris, où résonnèrent les premiers cris de celui qui sera l'idole de la jeunesse française. Dans les années 60, Jean-Philippe Smet, Huguette et Léon, ses parents, vécurent quelque temps chez une tante. Puis la maison tante s'installe dans le couple, divorce, départ, un bébé reste, il deviendra l'idole d'une génération.

au whisky. Et je passe mes jours allongé sur le tapis. Et je passe mes jours à guetter son retour. Depuis que maman est partie, je n'ai plus un sou d'appétit. Et j'en ai assez mangé des œufs sur le plat. Et j'en ai assez mangé des œufs sur le plat. Oh, oh là là, pour moi, oh là là, qui me dira, qui me dira quand elle reviendra. Depuis que maman m'a quitté, j'ai mes chaussettes trouées, mais je mets en nylon, non plus un seul bouton. Et je passe mes jours à guetter son retour. Yeah. Depuis que maman est partie, je n'ai plus tout à la vie. Et j'ai le bourdon quand je vais au ciné. Et j'ai le bourdon voir les autres embrasser. Allez! Blah, blah, blah, blah. C'est bon, dico. ne comprends jamais rien. Tu parles à toi, malgré cela je t'aime bien. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla. C'est ton déco. Tu parles trop, mais quand il s'agit de nuit, rien n'est plus beau. Tu peux parler nuit et jour. Oui oui oui oui oui oui oui oui oui. C'est jamais trop. C'est jamais jamais. Au pays, yeah, on fait le Mississippi ou le Kaznaki, on fait les enchantés, vous serez éblouis mes amis, éblouis par ces musiques folles qui claquent jour et nuit, vous verrez au bord des trottoirs des groupes d'enfants noirs, chanter des dix, il y a mort que des grands le voir, à New Orleans, hey, hey, hey, hey, hey. Là-bas l'amour pousse un peu comme les fleurs. Au fond de ces blues magiques au mille et une couleurs. Dans chaque église vous entendrez les négros spirituels, percés par les rythmes étranges de rock'n'roll. Vous verrez aussi mes amis tout près de Baking Street. Comment on fait une jam en dégustant les fruits. Hey, hey, hey, hey, hey. Suivez-moi, vous verrez les boîtes de nuit. Les boîtes de jadis, les grands noms du jazz sont sortis. Si vous tombez le jour du carnaval, vous verrez aussi. Hey, tout le dans les rues, les filles du sud, si jolies. Venez là-bas, on ne se soit pas perdu, car je sais. Oui, je sais que là-bas, il y a beaucoup de français. Yeah, yeah. écoute sur Radio Guémozo. Les voix, le son qu'on n'oublie pas. Si t'as besoin de quoi que ce soit, si je peux faire quelque chose pour toi, vite écris-moi, je te l'enverrai avec des bises de moi pour toi. J'ai tout ce dont tu as besoin, même un cœur qui meurt de chagrin. Vite écris-moi, je te l'enverrai avec des bises de moi pour toi. J'ai deux bras qui se languissent de pouvoir t'enlacer. J'ai deux lèvres qui se languissent de pouvoir t'embrasser. Si t'as besoin de quoi que ce soit, si je peux faire quelque chose pour toi, vite écris-moi, je t'enverrai avec des bises de moi pour toi. De moi. Écris-moi, je te l'enverrai avec des bises de moi pour toi. J'ai deux bras qui se languissent de ne pouvoir t'enlacer. J'ai deux lèvres qui se languissent de ne pouvoir t'embrasser. Si t'as besoin de quoi que ce soit, si je peux faire quelque chose pour toi, vite écris-moi, je te l'enverrai avec des bises. C'est moi pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Des bises de moi pour toi, une adaptation signée Claude François Evelyn Buggy. La version originale est signée John Lennon, Paul McCartney et ça donne ceci. From Me To You ou Claude François, des bises de moi pour toi, vous avez fait votre choix, et bien c'est parfait. 1964, la mini-jupe inventée par la Britannique Mary Kent déferle en France et France Gall, en ce mois de juillet, évoque ses premières vraies vacances. Mes premières vraies vacances, j'en rêvais depuis longtemps. Et cette année, j'ai la chance de partir sans mes parents. Ce n'est pas que ma famille soit vraiment collée montée, mais moi, je suis grande fille, j'ai besoin de liberté. Fini de toujours dire où l'on est, fini la trompette où l'on a pied, fini de s'habiller pour dîner, bien fini. J'aurai le droit de marcher nu-pied, j'aurai le droit d'être décoiffé, j'aurai le droit d'aller me baigner sans

Linda Jackson, Little Sally, les chats sauvages n'ont jamais joué Twist à Saint-Tropez sur scène. Tout simplement parce que cette chanson ne leur plaisait pas. Ils l'avaient enregistrée pour compléter leur premier album, mais le public en a décidé autrement et c'est devenu le tube que l'on connaît. Tous viennent ici pour s'amuser. Tous ont toujours appris à danser. Tous à Saint-Tropez. Oui, on vient partout dans le monde vers Saint-Tropez. On voit sur la plage mille visages. Plus tard ils iront danser. Fermez les yeux, écoutez, vous êtes sur Radio Guimauzo en compagnie de Gérard. Tu ne savais même pas danser, tu ne savais même pas chanter, tu n'avais vraiment rien pour plaire qu'à tout petit air de misère. Je me moquais toujours de toi. Maintenant que tu n'es plus là, j'ai tant de peine, j'ai tant de peine. Et sur les joues, malgré moi, des larmes me viennent. J'ai tant de peine, j'ai tant de peine. Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai de la peine. Tu n'étais ni beau ni galant, et bien loin d'un prince charmant. Tu n'étais pas intelligent, pas très amusant. Je me moquais toujours de toi. Maintenant que tu n'es plus là, j'ai tant de peine. Anne-Philippe, j'ai tant de peine. Elle ne savait pas en 1964 que quelques années plus tard, elle épouserait Cyril Guimard, coureur cycliste bien connu des sportifs. De la peine, certes, j'en ai, puisque dans quelques minutes, je devrais vous quitter. Mais rassurez-vous, on se retrouve lundi prochain dès 15h pour une nouvelle émission. Et puis n'oubliez pas, dimanche, à partir de 10h, vous pouvez écouter l'émission d'aujourd'hui en rediffusion. Merci de votre fidélité. Excellente soirée, excellente semaine sur Radio Game Ozo. Salut à toutes et à tous.